quand les paroles s'envolent. Les paroles fusent et éclatent. Éclatent pour sortir du silence. D'un silence, aucun son ne sort. Les paroles s'affolent et s'emballent. S'emballent pour rompre le silence. Avouer un secret, là où le son va. Le silence s'en va. Et les paroles s'en donnent à cœur joie. C'est la fête. Le silence n'est plus. Et les paroles sont là. Le silence, l'opposé du bruit, s'en va. Et les paroles, comme à leurs habitudes, renforcent et détruisent tout ce qui est et ne sera plus. En fin de compte, une parole en l'air, et c'est la fin ou le début.